C'est l'heure de remonter le temps avec vous, Franck Ferrand. Bonjour Franck. Bonjour Raphaël, bonjour à tous. Quel 27 février avez-vous choisi ? Le 27 février 1913, il y a donc 105 ans, il s'agit du dernier jour du procès de la célèbre bande à Bono. Ah. Bono d'ailleurs n'assiste pas au procès pour cause puisqu'il est mort. Lors d'un échange de coups de feu avec les policiers l'année précédente, il a été tué. Mais alors dites-moi, qui juge-t-on ? Tous ses complices, tous les survivants, même des complices du deuxième cercle si l'on peut dire. À la barre on compte Calmin, Dieudonné, Carouy, Victor Serge, enfin tous ces noms qui sont devenus célèbres, on les accuse de meurtre pour certains et pour d'autres de braquage. Alors, qui sont-ils, Franck, ces fameux membres de la bande à Bono ? Ce ne sont pas des gentlemen cambrioleurs, contrairement à Arsène Lupin, ce sont des anarchistes cambrioleurs, si vous voulez, des adeptes de ce qu'à l'époque on appelle l'illégalisme, une école de pensée politique qui prône le vol, le braquage, le cambriolage des bourgeois, des hommes riches, des patrons, comme un moyen de faire advenir la révolution. Autant dire une forme de banditisme politique, si vous voulez. Et leur chef, ce Bono, on n'en sait plus sur lui ? Oui, c'est donc un anarchiste, Jules Bono, qui est né dans le Doubs, au sein d'une famille modeste. Dès son adolescence, il s'est opposé frontalement à tout ce qu'il y avait d'autorité. Et au début des années 1900, il est au chômage et se lance dans les braquages. À Lyon, à partir de 1910, il rencontre d'autres anarchistes. La bande à Bono est donc constituée. 1911, 1912, on les voit multiplier les braquages. Ils utilisent des automobiles pour s'enfuir. C'est nouveau à l'époque, bien entendu. La police à cheval ou à vélo est un peu distancé, disons les choses. Et finalement, Bono est tué. Les différents membres seront arrêtés. Le 3 février s'ouvre ce procès qui donc s'achève le 27 février. 4 vont être condamnés à mort, les autres aux travaux forcés, comme on disait à l'époque. Bono survit dans les esprits puisque c'est qu'en mai 68, par exemple, une salle de la Sorbonne avait été provisoirement, bien sûr, rebaptisée Jules Bono. On va parler de ça là, lors du cinquantenaire de mai 68. Franck, on vous retrouve tout à l'heure, 14h sur Europe 1. Oui, pour nous immiscer dans le quotidien du Führer au Berghof.